partie, mais elle revient, la fée d'hier, celle de demain, celle qui volait dans l'obscurité, cherchant lumière pour s'abriter. Elle en est partie, mais elle revient, enterre ses larmes et son chagrin. La voilà de nouveau merveilleuse, toujours souriante et fabuleuse. Elle en est partie, mais elle revient, ses ailes l'amènent au creux de mes mains. Elle s'est posée en délicatesse, m'a exposé ses fines caresses. Mais elle revient, slalom entre quelques pantins. Elle s'est ensuite enfin dévêtue, m'a partagé ses folles vertus. Toujours souriant. Casse d'ici, loin de mon rêve, de mon paradis. Celle qui flottait dans l'obscurité a lâché la bouée qui l'amarrait.